15-31, activation orale et écrite, forme verbale. Écoutez et complétez les phrases suivantes selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. 1. Mireille sourit. Ah, à qui? Vous dites. Elle sourit à Robert. Et vous écrivez. Sourit. 2. Mireille sourit. Et Robert. Et vous? Vous souriez souvent? 4. Mireille étudie à la Sorbonne. Vous aussi? 5. Ousmane et Colette aussi? 6. Je vois quelqu'un. 7. Je crois que c'est Mireille. 8. Oui, c'est elle. Elle s'ennuie. 9. Ah oui, moi je ne m'ennuie pas.